À l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de Guinée, Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 2 octobre le message de félicitations au président guinéen Alpha Condé. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu des relations excellentes d'amitié et de coopération entre les deux pays et a souhaité grand succès dans le travail du président pour l'Union nationale et l'édification d'une Guinée pacifique et prospère.